temps, ma mémoire me fait défaut. Je te parle de ce temps où on squattait les halls, où on avait les crocs. Ouais, c'est exact de cette époque, lorsque l'on séchait les examens, où on matait les grands qui faisaient des extras, à perdre leur éclat. La notre jeunesse coincée entre les vessies et un tas de camés. Toutes les soirées entre le vizir et la passe camel. Des traces gravées quand le 4 se transforme en clan Campbell. En plus, les grands t'engraissent. Tu veux te pétard, ramène ton grand clan de Brel. Du quotidien qui me colle à la peau. Du shit qui te colle à la peau en attendant que la cloche sonne à la pause. Dans les chiottes, d'école à la coque. On était une dizaine. À se dire pour le temps, on attend de voir. J'ai beau jacter au fil du temps comme un muet, j'ai perdu la bonne voie. Juste poids, ça des couloirs, t'as vu mes larmes, est-ce qu'il en découle? J'ai tellement planté dans le dos. Que je crois notre place, trouve dans une corrida. Malgré que le temps passe et que j'oublie tout. Après tant de verres, ce son est une boîte à souvenirs que je savourais lorsque j'aurai 30 paires. Là, but de mon marque. C'est là que j'observe. Paris 18 en taille réduite. La belle époque. Entre sirènes et gyrophares. Et le temps passe, c'est devenu un enfer ce petit coin de paradis. Là, but de mon marque. Je peux oublier. Paris 18 en taille réduite. On a grandi. Entre sirènes et gyrophares. Au fil du temps, c'est devenu un enfer ce petit coin de paradis.